l'observation, l'observation d'un échec, peut-être. Ou pas, j'en sais rien, en fait. Je sais pas, à ce point-là. Par exemple, qu'est-ce qui se passe d'enregistrer l'extérieur, mais avec un micro placé dans un sac en papier ou dans une cloche en verre. J'ai essayé différentes choses et y a rien qui me convainquait. Dans le fond, ce qu'on entend là, c'est... Je suis pas sûr que ce soit une vraie idée. C'est presque une espèce de journal, ou en tout cas de regard en arrière, qui fait presque penser à un journal. Voilà, on a découvert un truc marrant sur nous, lézards. On pensait qu'il y avait un mâle et une femelle, et en fait, c'est une femelle et un mâle. Enfin, voilà, celui qu'on croyait. Être un monsieur est en fait une dame. Donc voilà, maintenant Gilbert c'est une dame et Nathalie c'est un monsieur. Enfin voilà, je m'égare un peu, mais... Pour l'instant je peux pas sortir de ce pays, je sais pas quand je vais pouvoir sortir de ce pays, ça c'est une autre limite, Claire. Rob Grillet... parle d'un de ses personnages dans l'un de ses romans, et il dit « Tout bouge, tout est en mouvement. » Et le narrateur avance sans savoir où il met les pieds. N'importe quel meuble ou quoi que ce soit peut être simplement mis au bord du trottoir et ce sera ramassé par soit des gens, des particuliers qui vont peut-être le réutiliser, d'autres qui vont peut-être essayer de réparer les choses si c'est possible, qui vont essayer de les revendre, enfin bref, il y a tout un micro-marché de ça. Ma première idée de la lisière, c'est la forêt. Ça me fait penser à cette pièce, cette vidéo de Sophie Kahl, Unfinished, où dans le fond, elle avait reçu commande pour un projet qu'elle n'a jamais réussi à conclure, jamais réussi à trouver une piste qui était convaincante pour elle. Et donc la vidéo à la fin, qui est un très beau travail, relate cet échec, relate les différentes pistes. Gilbert, donc, a pondu deux œufs. Voilà, on pourrait se retrouver avec encore plus de lézards. Mais surtout, ça veut dire qu'ils ont des activités nocturnes. Donc voilà, je m'étais dit, je vais essayer d'enregistrer les lézards. Mapping the Gecko. Ça aurait pu s'appeler Mapping the Gecko. Et puis, je ne l'ai pas fait. Peut-être faudra que je le fasse, mais finalement, ça s'est pas passé comme ça. Quand j'ai reçu le message de Dragoche invitant à créer quelque chose pour un podcast, j'étais immédiatement emballé. Je me suis dit, ah, super, c'est une super idée, j'adore ça. Cette idée de lisière, tout ça, c'est fantastique. Puis j'ai pensé que je pouvais y arriver tout de suite, que j'aurais une idée. Puis j'ai cherché, puis en fait, je crois que je ne l'ai toujours pas trouvé, cette idée. Toutes ces semaines, j'ai pris beaucoup plus conscience du son extérieur, mais surtout de la relation entre les sons de l'intérieur de la maison et les sons de l'extérieur. Et alors, dès le départ, cette réflexion, cette notion de lisière venait naturellement du confinement. Et puis, bon, le confinement limite à un espace. J'ai beaucoup réfléchi à ça, c'est-à-dire quelle était la limite de cet espace, quelles sont les limites de mon espace. Alors, on a de la chance, on habite une maison qui a un petit jardin devant, un petit jardin derrière, donc déjà là, Et je me rends compte que j'ai toujours pas du tout réglé cette affaire de lisière, de bordure. Réfléchissant à ces idées d'extérieur et d'intérieur, j'ai fait toute une série d'enregistrements pour ce podcast où je voulais enregistrer les sons extérieurs, mais contenus dans un espace, de repenser à Mapping the Studio de Bruce Nauman. Donc je pensais que c'était une bonne idée à un moment donné. Je me suis dit, je vais laisser un enregistreur dans leur petite maison et laisser tourner toute la nuit et puis écouter le lendemain. J'ai pensé à ces deux petits animaux qui sont de manière totalement absurde, limités, confinés à un petit espace. En tout cas, j'arrive pas à connecter le mot avec sa diction, avec, je sais pas, cette idée d'un bord. Un bord, ça semble être un truc extrêmement limité. Bord, ça sonne déjà presque comme une limite. En revanche, lisière, ça a presque pas de début, ça a presque pas de fin. En fait, j'avais pas réalisé jusqu'à hier que ça provoque une autre forme de lisière. C'est-à-dire que ces objets sont destinés par définition à être à l'intérieur d'une maison. Évidemment, le canapé, les matelas. Et tout à coup, ces objets typiquement d'intérieur se retrouvent en extérieur. Mais il se retrouve également sur une bordure entre le privé et le public, entre une propriété privée, entre le bout d'un jardin ou d'un petit bout de terrain, et puis la route, souvent même à cheval entre les deux. Ça fait combien de semaines que je suis en train de réfléchir à ce concept de lisière? Je me suis dit, voilà, peut-être là il y a quelque chose à faire. Si je m'enregistre en jouant et que je me déplace, voilà, comment est-ce que ça va sonner pour le microphone ou au travers du microphone quand on est à l'extérieur et voilà, qu'on passe à l'intérieur, etc. Enfin, c'est des choses on sait, mais c'est curieux, je me suis levé tôt ce matin parce que j'avais envie d'être à l'extérieur pour enregistrer ça et juste être entouré de tous ces oiseaux. Paradoxalement, d'ailleurs, plein de ces oiseaux en ce moment sont des oiseaux migrateurs, au moment où l'humain est moins migrateur que jamais. Une limite, comme ça, visuelle. Et puis, en fait, l'expérience du temps, de l'écoulement du temps, a été extrêmement perturbée. Tant au jour le jour que même dans la projection, le temps ne veut plus dire grand chose. Il y a tellement d'incertitudes. Sur le temps, comme une espèce de lente dérive d'un mot qui, de nouveau, qui semble être clair pour moi et qui n'a cessé de devenir de plus en plus flou.